Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen, cours numéro 10. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Comme d'habitude, on va commencer par corriger les exercices du cours précédent, qui était le cours 9, si je ne me trompe pas. Donc, awalan, ajib an il as'ila. Réponds aux questions suivantes. Kam taliban wajada al mudarrisu fi al fasl. Combien d'étudiants, l'enseignant a trouvé combien d'étudiants dans la classe? Al mudarrisu wajada 15 taliban fi al fasl. Thaniyan, lima dhahaba al tullab wal judud ila al mudir? Pourquoi les nouveaux élèves sont-ils allés au directeur? ذهبوا لأنهم ما وجدوا أسماءهم في القائمة. نعم، ils ont été au directeur car ils n'ont pas trouvé leur nom dans la liste. من خلقنا؟ Qui nous a créé؟ خلقنا الله. Who؟ خلقنا الله. نعم، فاعل. الله جلاله فاعل. رابعا، من خلق القمر؟ Qui a créé la lune؟ خلقها الله. خلقه الله. أيوة خلقه الله. Allah l'a créé. Khamisan, man khalaqa al-shams, qui a créé le soleil? Khalaqaha Allah. Non. Man khalaqa al-nujum, qui a créé les étoiles? Khalaqahum Allah. Khalaqa? Khalaqahum. Nujum, ghayr al-aql. Khalaqaha? Khalaqaha Allah. Non. Jam' al-aql, mufrad mu'annath. Sabi'an. Mimma khalaq Allah al-insan. De quoi Allah a-t-il créé l'être humain? Khalaqahum min tin. Naam, khalaqahum min tin. Il a créé de terre, l'argile. Thaminan, mimma khalaq Allah al-jann. De quoi Allah a-t-il créé les djinn? Khalaq Allah al-jann min an-nar. Naam. Allah l'a créé de feu. Kam sama'an khalaq Allah. Allah a-t-il créé combien de feu? Combien de cieux a-t-il Allah a créé? خلق الله سبع سماوات. نعم, Allah a créé 7 cieux. عاشرًا, في كم يوم خلق الله السماوات والأرض? En combien de jours Allah a-t-il créé les cieux et la terre? خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. طيب, ثانيًا, أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. من قال هذا؟ Qui a dit cette parole-là? هذا قول إبليس. ثانياً, ولمن؟ À qui a-t-il dit cela? لله عز وجل. نعم. ومن أي سورة هذه الآية؟ De quelle سورة est ce verset? أظن أنها من سورة البقرة. لا. سورة صاد. سورة صاد. Ou Al-A'raf. Mazkour. Il y a deux fois, je crois, non, ou peut-être plus, en tout cas, je me rappelle, Al-A'raf ou Sad. Tiens, là, ça n'a pas à quête. Parce qu'il y a un verset qui se répète. Inch'Allah. Salifan. ضع هذه العلامات الخط أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة الصليب أمام الجمل غير صحيحة. الطلاب الجدد 15. Les nouveaux étudiants sont 15. خطأ. نعم. عبد الرحمن ما فهم معنى ثلاث كلمات. عبد الرحمن n'a pas compris le sens de trois mots. صحيح. نعم. سأل فيصل المدرس ما جمع السماء. فيصل a interrogé le professeur. Quel est le pluriel de Sama, le ciel? Kataba al-mudarrisu ad-darsa ala saburati. L'enseignant a écrit le cours sur le tableau. Sahih. Naam. طيب أنا أسألك مثلا أقول هذا الرجل جميل اللهم بارك كيف تقول تعجب comment tu t'exclames comment t'exprimes ton exclamation ما أجمل الرجل ما أجمل الرجل نعم صيغة التعجب كذلك كيف يكون النداء مع المضاف إليه مضاف مضاف إليه comment tu appelles une personne quelle est sa harakat lorsque c'est un mudaf mudaf ilayhi مثلا Abdullah comment tu l'appelles quand tu l'appelles يكون منصوب أيوة يا عبد الله أيوة وإذا كان من الأسماء الخمسة من كنيا comment tu l'appelles par exemple يا أبا بكر نعم يا أبا بكر quel est le signe du nasb dans le jamu anath salim c'est quoi alamat al nasb في الجمو أنا الثالث كم أنا منصوب بالكسرة بالكسرة نعم حسنت يبي كوا دوت encore aujourd'hui كثير نعم تفضل الثلاثة عشر أيوة وأربعة عشر فقط ما فيها آخر كب والخمس عشر لا ما في طيب تدير من الرجل فيه واش الاسم لا لا لا في نعم 13 نعم طيب تامل المثال ثم اكتب الجمل الاتيه بعد تحويل الكلمات التي تحت اخط للجموع donc faut changer les phrases exposées là en jam et là ça se rapporte au quoi au ism mawsoul الذي طيب الجمله الاولى من الرجل الذي دخل بيتكم الان qui est l'homme qui vient rentrer dans votre maison maintenant tu changes cette phrase là au pluriel من الرجال الذين دخلوا بيتكم الآن نعم ثانيا أين الطالب الذي جاء أمس هو الاتجون كي يفنو يا أين الطلاب الذين جاءوا أمس نعم ضربت الولد الذي ضربني جي فرابي نفو كي ما فرابي ضربت الأولاد الذين ضربوني نعم تمام رابع عشر la même chose sauf que là c'est au féminin. الطالبات التي دخلت الفصل الآن من الهند. Ça c'est l'exemple. نعم. Donc il commence par أنا. الفتاة التي عند المديرة أخت مريم. Donc la jeune fille qui est chez la directrice est la sœur de Mariam. الفتيات التي عند المديرة أخوات مريم. نعم. الطبيبات التي في المستشفى في مستشفى الولادة من إنكرتارا. Donc la femme, la médecin femme qui est dans l'hôpital de la maternité est d'Angleterre. الطبيبات التي في التي في المست في في المست في مستشفى الولادة. في مستشفى الولادة من إنكرتارا. نعم. المرأة التي دخلت بيتنا عماتي donc la femme qui est rentrée dans ma maison dans notre maison est ma tante paternelle النساء التي دخلنا بيتنا عماتي نعم عماتي طيب خامس عشر كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. Donc compose des phrases en utilisant les mots suivants. رفع. الطالب رفع يده. نعم. L'étudiant levait sa main. خلق. الله هو الذي خلق كل شيء. كل شيء. كل شيء. نعم. C'est Allah qui a créé toutes choses. عاد. الطالب عاد من المدرسة. نعم. L'étudiant est revenu de l'école. الجد. الجد هو أب الأم. Ou Abul Ab. Non, le grand-père est soit le père de la mère ou le père du père. Mimma. Et c'est min avec ma. Stif Hamia. Afouan, mais. Mimma khalaq Allah l'insan. Taïeb. Bima, c'est bih fojar avec ma Stif Hamia. Bima dahabta ila Mecca. Non, par quoi es-tu allé à Mecca? Par quel moyen quoi? Lima, qui est li harf jar avec ma istifhamia. Lima dahabta ila Mecca. Nam. Pourquoi tu étais à Mecca. Ou Amma qui est An avec Ma Estifhamia. Comment tu as. Amma yatahaddathoun. Non. Maintenant, ça va être le fil d'as et l'arachia. Le dixième cours qui, lui, est relatif au fi'l mudari', le verbe présent. Ça va être un début. Et il poursuivra dans les durus suivants jusqu'à ce que tu complètes tous les domaïr, comment que j'ai un verbe au présent. D'ailleurs. Et là, ça dit, là, on va un peu plus s'approfondir dans le sorf. Bien que le sorf, souvent les gens, ils l'attribuent à la conjugaison en elle-même. Et comme je ne cesse de le dire aux frères, ça, c'est pas correct. Le sorf, c'est plus large que la conjugaison. On va dire plutôt que la conjugaison fait partie du sorf. Et ce n'est pas le sorf qui est toute la conjugaison. Le sorf, c'est une science qui se rapporte à la transformation des mots. Il y a des choses qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas de lien avec la conjugaison, qui rentrent dans le sorf, et sont très nombreuses. Comment faire ism fa'il, ism maf'oul, sifat mubalara, et toutes ces choses-là. Voyez, tout cela se rapporte au sorf, qui est plus large que la conjugaison. Non. Voyez. Donc, ana sa'akramek en Moussa, ou anta Zakariya. ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر. Donc Zakaria est parti visiter Hamid après la salat du Fajr. ولكنه ما وجده في البيت فقال لابنه موسى أين أبوك. Cependant, il ne l'a pas trouvé à la maison, alors il dit à son fils Moussa, où est ton père? Tu m'as dit tu fais Moussa, non? Non. Bah toi fais Moussa. ذهب إلى السوق. Non, il est parti au marché. Zakaria dit Ayat Zabou les souki kul la yomin, va-t-il au marché tous les jours? Naam, yadhabu daiman ila souki ba'da salat al fajr. Donc Moussa dit, oui, il va tout le temps au souk après salat al fajr. Et Yad Zabou, on va lui dire, Yad Zabou, c'est le mudari' de Zahaba. C'est le fi'l au présent de Zahaba. Il va. Mata yarji'u min souki. Quand en vient-il? Du marché. Et Yarji'u, c'est le mudari' de Raja'a, qui veut dire revenir. Donc là, c'est-à-dire, il revient. Non. Yarji'u fi sa'ati sabi'a wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Non. Donc il dit, il revient à 7h, quand on dit sa'bi'a, ça veut dire 7h, wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Et de temps à autre, ahyanan c'est de temps en temps, vous voyez, de temps en temps, à 8h, Fisarati Samina qui veut dire à 8h. Maza Yafalou fil Beit. Donc Zakaria dit qu'est-ce qu'il fait à la maison? Et Yafalou, c'est le Moudaria de Fa'ala. Yaqra'u s-suhuf wa yasma'u l-akhbar min al-ida'at. Donc il dit Naam. Il lit les journaux et il écoute les informations de la radio. Yaqra'u, c'est le Moudaria de Qara'a Yaqra'u. وَيَسْمَعُ c'est le mudari' de Samia يَسْمَعُ il entend. Naam. Zakaria kul mata yadhhabu lil masna' quand va-t-il à l'usine? Masna' c'est usine. يَذْهَبُ فِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ وَنِصْف il y va à 9h et demi. Sa'atasi'a c'est 9h et wanis ma'ruf c'est la moitié donc c'est demi. Zakaria kul wa mata yarji'u min hunaka et quand revient-il de là-bas? يَرْجِعُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ وَنِسْفْ أَوْ ثَانِيَةِ Donc il revient à 1h30 ou à 2h. Zakaria يقول أَيَذَّبُ إِلَى الْمَصْنَعِ مَرَةً أُخْرَى بَعْدَ الظَّهْرِ Donc il dit, est-ce qu'il va, on pourrait dire plutôt retourner, mais bon. Est-ce qu'il retourne à l'usine une autre fois après الظَّهْر لَا لَا يَذَّبُ بَعْدَ الظَّهْرِ يَجْلِسُ هُنَا فِي في مكتبي بعد الصلاة العصر. موسى dit non, il n'y retourne pas après Dhor. Il s'assoit ici ou là dans son bureau après صلاة العصر. نعم. كم عاملا يعمل في مصنعكم. Donc il dit combien d'employés, عامل c'est l'employé, l'ouvrier ou le travailleur, travaille dans votre usine. مصنعنا ليس بكبير. يعمل فيه مئة وخمسة وعشرون عاملا ومهندسا. Donc il dit, notre usine n'est pas grande. Et dedans, il travaille 125 employés et 2 ingénieurs. Donc il dit, il est actuellement 9h moins le quart. Vous voyez, c'est 9h, il laisse, c'est-à-dire, il laisse, sauf, mais bon, là, on va, ça va être employé par moi, dans cette phrase-là. Et Roba, on va dire quoi, c'est un quart. Donc là, il est Roba, c'est moins le quart. Omar Raja Abouka, et ton père n'est pas encore revenu, ou n'est pas revenu. Donc il dit, il se peut qu'aujourd'hui, il rentre en retard. Mutaakhiran, c'est en retard. Non. طيب فالأول والثاني في البيت فقط طيب avant de commencer il faut qu'on prenne une autre matière avec qui concerne le wazn. C'est la clé essentielle pour le surf. Quand tu fais du surf, c'est ton outil essentiel pour pouvoir connaître l'origine des mots. Tu as déjà dû avoir eu un aperçu dans ce domaine. Mais Inch'Allah, on va se remettre en tête. Pour pouvoir, à la suite, connaître, comme je te l'ai dit, comment se constituent les mots, il faut que tu aies un modèle, un patron. Vous voyez, on va dire un modèle standard, comme un mannequin chez les, quand il faut que le couffard, tu vois, pour que tu saches comment on met le bras, la manche, tout ça. Il faut un modèle, il faut un mannequin. Dans le surf, ça s'appelle El Mizen El Surfi, c'est la balance de surf, El Wazn. Et il est basé sur 3 lettres. Fa'ala. Vous voyez, le fa, le aïn, et le lem. Fa'ala. Ça, c'est le wazn, le modèle, la mesure comparative, comme on dit. Et à partir de là, tous les mots existants en langue arabe, yani, ce serait plus par rapport au nom et au verbe. Tu vois, le harf, je m'appelle, puisque le harf, il rentre dans le babi sarf, parce que le harf, il ne change jamais. Surtout par rapport au asma et au af'al, ils reviennent à ce wazn. On se sert toujours dans ce voisin-là pour tous. Fa'ala, tout le temps. Fa'ala. L'origine des mots en arabe, c'est qu'ils ont 3 lettres. Ils sont 3 lettres. Et des fois plus. Et des fois plus, et des fois encore plus. Mais la base, tu ne trouveras pas un nom ou un verbe qui ait moins de 3 lettres. Et si tu vois, toi, en apparence, moins de 3 lettres, c'est qu'il y a une lettre qui a été enlevée ou qu'il y a un hydrome qui a été fait. Tu vois, mais l'origine, il y a 3 lettres, obligatoirement. Quand même. Donc, pour pouvoir connaître les mots, comment ils changent et d'où ils viennent, il faut que tu te bases sur un modèle. Ce modèle, c'est celui-là. El wazn, fa'ala, le fa, le ayn et le lem. Par exemple, quand on prend un fi'al, on va prendre un verbe au passé, zahaba. Vous voyez, zahaba, le zel, le ha et le ba. Ben, on va se rendre compte que zahaba, il est sur la mesure fa'ala. Le zel, il représente quoi? Il est représenté par le fait du wazn. Le ha, il est représenté par quoi? Par le ayn. Et le ba, il est représenté par quoi? Par le lem. Donc en fait, le fait, c'est la première lettre d'un mot. Le ayn, c'est la deuxième lettre d'un mot. Et le lem, c'est la troisième lettre d'un mot. Toujours on fait comme ça. Donc tous les verbes que tu connais, de 3 lettres, qu'on appelle la fi'l thulathi, un verbe de 3 lettres, au mardi, au passé, il vient comme fa'ala quand il est avec des 3 fatha. Mathalan, fa'ala thaba. On prend l'exemple. Shariba. Shariba. Shariba, il est à quel wazn? À quelle mesure? Si on prend le fa, le ayn et le lem, comment on va dire? Là. Il va être fa'ila. Parce que le shin, c'est le fait. Donc il est avec une fatha. Shin, de Shariba, c'est Sha. Donc ça va être quoi? Il va être représenté par le fin. Le Ra, de Shariba, c'est quoi sa harakat? C'est une kasra. Donc c'est quoi la lettre qu'il représente? C'est le Aïn. Donc le Aïn, il va prendre quoi? Une kasra pareil. Fa'i. Et le Ba, la lettre qu'il représente, c'est le Lem. Donc ça va être à la wazd Fa'ila. Vous voyez, la wazd Fa'ila. Et il y a encore un autre. Mathalan, un autre exemple. Hasuna. Hasuna. La ferme mordi. Vous voyez, Hasuna. Hasuna, lui, si on se base sur ce qu'on vient de prendre précédemment, son wazn, sa mesure, ça va être quoi? Fa'oula. Fa'oula, non. Parce que le ha, ça va être le ha, il est représenté par quoi? Par le fa. Donc lui, le ha là, il a quoi? Une fatha. Le sin, il va être représenté par quoi? Par le ayn. C'est lui la deuxième lettre du mot. Et le sin là, il a quoi comme haraka? Une damma. Donc ça va être quoi? Fa'ou. Vous voyez? Et le nun, qui est le lem, il a quoi comme harakat? Fatha. Donc ça va être à la waz fa'oula. Et à partir de là, tu peux trouver tous les mots et leur trouver c'est quoi leur fa'ala qui leur convient. En rajoutant ce qu'il faut rajouter, en enlevant ce qu'il faut enlever, en mettant les harakat là où elles sont. Vous voyez? Donc ça, c'était un exemple pour le faire le mardi. Donc aujourd'hui, on va commencer à faire quoi? À apprendre à conjuguer un fi'l mudhari' au présent. On va rester avec notre fi'l dhahaba. Dhahaba. Qui est à la wazn? Sur quelle mesure? Sur la mesure fa'ala. Fa'ala. Maintenant, nous, on veut quoi? Mudhari'. Zahaba, c'est il a été, au passé. Lui, tu vois, il. Maintenant, Mudhari'a, comment on va dire? Il va. Yadhabu. Yadhabu. Là, on a ajouté quoi? Un ya au début. Yadhabu. Le vel, il est devenu sa'akin. Le ha, il a pris une fatha. Et le ba, il a pris une dhamma. Parce qu'il est marfou, voilà, dans l'exemple, mais dans d'autres exemples, il pourrait être mansoub. Ou il pourrait être majzoum. Là, on reste sur le marfou. Donc, yadhabu, il a quel wazm? Yaf'alou. On rajoute le ya, pareil. Le fa, c'est le zel. Et c'est quoi sa harakat ici? Le sukun. Le ha, c'est le aïn. Vous voyez, c'est quoi sa harakat? Une fatha. Et le ba, c'est le lem. Et sa harakat, c'est une dhamma. Fayadhabu, à la wazn, yaf'alou. Fayadhabu, à la wazn, yaf'alou. Donc tu sais que tout fi'l mudhari' avec huwa, si il a une fatha sur le aïn, il vient à la wazn, yaf'alou. Il peut venir à la wazn, mathalan, yaf'oulou. Comme kataba yaktubu. Il vient avec la wazn, yaf'oulou, avec une dhamma. Et il peut venir à la wazn, yaf'ilou, avec une kasra sur le aïn. Comme, mathalan, kasra yaksirou. Cassé. Et après, au fur et à mesure, tu vois. Donc maintenant, on va poursuivre avec ce qui est écrit dans le livre. Pour pouvoir mieux assimiler les exemples que lui donne. Pour ne pas s'embrouiller dans pourquoi là c'est une kasra, pourquoi c'est une fatha, pourquoi c'est une sukun. Donc il dit, ta'ammel l'amsilat al-atiya. Il dit, awalan, al-mardi, au passé, zahaba aliyun, il est madrasati, ams. Ali a été à l'école hier. Donc là, le shahid, c'est quoi le shahid? C'est Zahaba. Mardi. Zahaba à la aywazn. À quelle mesure fa'ala? Et le mudhari, c'est quoi? Yadhabu aliyun, il est madrasati, kulla yomin. Donc il dit, Ali va à l'école tous les jours. Miskin. Miskin. L'école, quelle horreur. Ils auraient pu dire, Yazhabi le mosdit cool, ils ont été mieux quand même. Quand même, donc regarde là, Yazhabu, il vient à la wazn, Yaf'alou. voyez, là c'est le mudoria. On a ajouté quoi? Un ya. On a mis que le zel est devenu sakin. Et le ha, il a pris une fatha. Et le ba, il a pris une damma. Cette damma là, du ba là, c'est parce que le fiel là, il est marfoua. Comme un mutada ou un khabar. Le fiel aussi peut être marfoua. Et peut être mansoub, et peut être majoub, comme cela viendra plus tard. Deuxième exemple. Qara'a Ismailu al-Qur'ana. Ismail a lu le Coran. Vous voyez, c'est le shahid. Et le mudalir, ça veut dire quoi? Yaqra'u Ismailu al-Qur'ana ba'd salat al-fajr kull yawm. Donc là, ça veut dire quoi? Yaqra'u. Et tu vois, il ressemble à yadhhabu. Il est à la wazn, yaf'alu. Donc, Ali ou Ismail Afouen lit ou récite le Coran après salat al-fajr tous les jours. Thalithan. Ghassala al-rajulu sayyaratahu. Donc, l'homme a lavé sa voiture. Donc là, le shaykh, c'est Ghassala. Taïeb, c'est Ghassala qui veut dire laver. Et, regarde, attention, Moudalir, c'est Yarsilu al-rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Donc l'homme lave sa voiture toutes les semaines. C'est un anti-elle, je crois, non? C'est marlouf. Attention, là, il est venu quoi avec une kasra? Le signe de Yarsilu, c'est quoi là qui représente? C'est le fait. Donc ça va être à la wazn. Yafailu. Il se peut que tu me demandes comment on sait quand c'est Yafailu, quand c'est Yafalu, quand c'est Yafalu. Des fois il y a des règles, des fois il n'y a pas de règles. Des fois c'est par l'écoute, à force de l'entendre, et certains ont des règles. Tu vois, ça viendra plus tard, Inch'Allah. Mais toi, en tout cas, mémorise-les. Tu sais que c'est Yarsilu, tu vois, c'est Yarsilu. Et après, tu auras des règles sur certains verbes, c'est pas catégorique. Certains verbes ont des règles qui font que tu peux les déduire, et d'autres, c'est avec l'écoute, au fur et à mesure. Quand même? Non, donc, Rabian, maintenant, il va nous faire appliquer cela. تأمل أمثلة واكتب مضاليع الأفعال الآتية. Donc il dit médite sur les exemples suivants et écrit le مضاليع des verbes suivants. Et là il va devenir avec les trois versions. Il va devenir avec la version du fi'l فعل يفعل comme كتب يكتب. Il va venir avec فعل يفعل comme جلس يجلس. Il va venir avec فعل يفعل comme ذهب يذهب. Il va venir avec فعل يفعل comme سمع يسمعوا. Il y en a d'autres encore. Voyez. طيب. مثلا دخل il est comme كتب. كتب c'est quoi son مضارع? يكتب. À la wazn يفعل. Donc دخل comment tu vas dire دخل? يدخل. C'est-à-dire que le خ là c'est le عين. طيب. Le خ c'est le عين. Donc il prend une damma. خرج comment tu vas dire? يخرج. سجد يسجد. يسجد. Non. Donc là, ils sont tous à la wazn, au poids, à la mesure, yaf'ulu. Deuxième, c'est celui dont le mudalir à la wazn, sur la mesure, fa'ala, et le mudalir yaf'ilu, comme jalasa yajlisu. Rasala, c'est quoi son mudalir? Yarsilu. Yarsilu. Raja'a, yarji'u. Yarji'u. Nazala, yanzilu. Yanzilu. Ahsant. Après, troisième catégorie, celui dont le mudalir est à la wazn, fa'ala, et son mudalir à la wazn yaf'alu comme dhahaba yadhhabu raka'a yarki'u. Ça c'est raka'a, c'est se mettre en s'incliner min ruku' rafa'a yarfa'u, c'est lever ou s'élever. Fa'ala yaf'alu, c'est l'origine qui veut dire faire. Maintenant on va prendre la quatrième catégorie qui est dont le mudalir est sur la mesure fa'ila et le mudalir sur la mesure yaf'alu comme samia yasma'u. Donc fahima yafhamu, yafhamu qui veut dire comprendre. La'iba yal'abu, yal'abu qui veut dire jouer. Hafiza yahfazu, yahfazu qui veut dire mémoriser. Non, ils sont tous ouais, comme les autres. Akala il est à la wazn yaf'alu, ya'kulu qui veut dire manger. Qatala qui est qui veut dire tuer? Yaqtulu. Nam. Ensuite, deuxième catégorie, kasara, qui est la wazn yaf'ilu. Yaksiru. Yaksiru, qui veut dire casser. Daraba. Yadribu. Yadribu. Nam. troisième catégorie, sa'ala, qui a la wazn, yaf'alou. Yas'alou. Non. Wa fataha, yaf'tahou. C'est-à-dire ouvrir. Voyez. Quatrième catégorie, qui est le moudalir à la wazn, yaf'alou, et le mardi à la wazn, fa'ilou. Fa'ila. Shariba. Yashribou. Là. Yashrabou. Non, qui veut dire voir. Wa rakiba. Yarkabou. Yarkabou, qui veut dire monter, embarquer. Non. Voyez, Khamisan, il dit Akmil al-Jumal atiyata bi wad fir mudali' munasib fil farah. Donc il veut que tu combles les trous en mettant un verbe au présent qui correspond. Ça, tu vas le faire à la maison, Inch'Allah. Si tu as réfléchi un petit peu, on trouve un affaire. Mais bon, c'est pas dur. C'est pas dur. Alhamdulillah. Et toi, pour tout ce qui viendra à la suite, se baser sur. Surtout, oublie, ne pas oublier le wazn. Cette mesure, ce modèle standard. Pour tout ce qui viendra après. Et dans tout le kitab, ça va t'aider. Tout autre kitab, tu restes sur fa'ala et c'est la clé de toutes les autres portes. Inch'Allah. Taïeb. Maintenant, on va prendre quoi ? Certaines règles qui se rapportent au nombre, au dénombré. Maintenant, c'est de quoi ? De wahid. Ou ishroun, de 21 jusqu'à maintenant. Tisa ou tisaïn, jusqu'à 99. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est comme le début. Wahid et Isnen, ils sont comme au début. Ils restent comme le dénombré. Vous voyez, ils restent comme le dénombré. Toujours, Wahid ou Isnen, ils sont comme le dénombré. Ils le suivent si les masculins, ils sont masculins, et si les féminins, ils sont féminins. Ishrouna, qui veut dire 20, lui il reste tout le temps pareil. Il n'y a rien du tout. Ishrouna, Ishrouna, Ishrouna, Ishrouna, Ishrouna. Maintenant, c'est l'autre partie de Salatha à Tisa, et bien lui, c'est comme si on a pris les premières règles du début, de Salatha Tisa. Il va contredire son dénombré. S'il est féminin, il sera masculin, et s'il est masculin, il sera féminin. Vous voyez ? Prends-le tout le temps comme ça. Et le dénombré, comment il est, c'est un tamiz. Comme de Hada Achar, il est Ishin. Ça va être un tamiz. Vous voyez ? Donc c'est-à-dire Mufrad, Mansoub, Nakir. Tu dis quoi, par exemple ? Pour dire 21 étudiants, tu dis Wahidun wa ishruna taliban. Donc tu regardes bien Wahid, il est comme talib, muzakkar. Vous voyez ? Pour dire 22 étudiants, tu vas dire Isnani wa ishruna taliban. Donc là tu regardes Isnan, il est comme taliban, muzakkar. C'est là que ça change maintenant. Pour dire 23 étudiants, tu vas dire Salasatun. De toute façon là, c'est pas Tuna, c'est Tanwin. Vous voyez ? Salasatun wa ishuruna taliban. Donc là, on regarde Salasa, il contredit talib. Là, Salasa est devenu féminin parce que talib il est masculin. Et ishuruna reste pareil. Arba'atun wa ishuruna taliban. 24 étudiants. Khamsatun wa ishuruna taliban. 25 étudiants. Sittatun wa ishuruna taliban. 26 étudiants. Sab'atun wa ishuruna taliban. 27 étudiants. Thamaniyatun wa ishuruna taliban. 28 étudiants. Tisatun wa ishuruna taliban. 29 étudiants. Et après tu dis quoi? Salathuna taliban. Et après tu fais pareil. Wahidun wa salathuna. Isnan wa salathuna. Salathatun wa salathuna. Ainsi de suite. C'est pareil. Après arbaoun, après khamsoun, après sittoun, ainsi de suite. Jusqu'à miya. La fumala? Ça y est. Maintenant, ça va être que de quoi ? Il n'y a plus de nouvelles règles par rapport aux nombres. C'est les mêmes, c'est juste à toi de savoir laquelle la mettre quand. Il n'y a plus de nouveaux jugements maintenant. C'est où ta mise ? Vous voyez ? Ou Moudofilei ? Ou quoi ? Ou Djam Moudofilei ? Et après, c'est à toi de savoir quand il faut les placer. Taïb Sabi'an. Ikra Mayali, Sumaktubu, Makitabatil Arkan, El Wadati, Fihi Bil Huruf. Donc, il veut que tu réécrives les phrases là en mettant le hadad avec les lettres. Tu veux faire maintenant ou tu veux faire maintenant? Comme tu veux. Là. Il y a quelle artillerie en même temps? Ça n'a pas le même, je crois. Ça y est, pas de Jumel Oula. Fil Shahri. Bah, c'est toi qui lis, sinon je vais lire et je vais donner la réponse. Fadal, lis bien et réfléchis bien avant de donner la réponse. Fil Shahri. De toute façon, là, c'est tous masculins, donc t'as pas à te prendre la tête. Tisad. 29 ou 30 jours. Non, dans le mois, il y a 29 jours ou 30 jours. 29 ou 30 jours. في هذه الحافلة حافلتي في هذه الحافلة 20 راكبا لا regarde bien c'est 0 25 راكبا نعم il y a dans le bus 25 passagers جاء اليوم 22 طالبا جديدا نعم aujourd'hui sont venus 22 étudiants nouveaux 22 nouveaux étudiants في هذا الكتاب 21 درسا نعم dans ce livre il y a 21 cours هذا الملعب طوله sa longueur طوله 28 مترا وعرضه 24 mètres. Donc il dit ce terrain de jeu a une longueur, Toulou c'est la longueur, de 28 mètres, mètres c'est mètres, et une largeur, Ard, tu vois, la Ard c'est largeur, une largeur de 24 mètres. Non. Quel kilomètre le masafatu بين المدينة والمطار المسافة بينهما 24 كيلومترا. نعم. Donc il dit combien de kilo, la distance entre la ville et l'aéroport est de combien de kilomètres? Kilomètres, c'est kilomètres. Donc il dit la distance entre eux deux, c'est-à-dire entre la ville et l'aéroport, est de 23 kilomètres. نعم. هذا الدفتر طوله 27 centimètres. Donc il dit ce cahier a une longueur de 27 centimètres. C'est bizarre. Allez. Thaminan. Huitièmement, il dit Ta'amel Mayali. Médite ce qui suit. Mubakiran wa Muta'akhiran. Mubakiran, c'est tôt. Par exemple, tu dis Elioma dit tout Mubakiran. Aujourd'hui, je suis venu tôt. Et le contraire, c'est Muta'akhiran. Aujourd'hui, je suis venu en retard. Et Muta'akhir, ça peut être aussi, par rapport au lieu, quelqu'un qui est au fond. Comme Chia, des fois, il dit Ana Muta'akhirin, ceux qui sont au fond. Tu vois Muta'akhiran. Quand tu dis Elium, Jitta Muta'akhiran, aujourd'hui tu es venu en retard. Donc après, donne des exemples. Zahaba, ou Zahabtu Afwan, il est le madrasati, Elium Mubakiran. J'ai été à l'école aujourd'hui tôt. Wa Raja'tu, il est le Bayti Muta'akhiran. Je suis revenu en retard à la maison. Thanyen, Zahabat, Leila, il est le Jami'ati Muta'akhiratan. Donc ils disent Leila a été à l'université en retard. Et là, comme Muta'akhira revient à Leila, il va prendre le ta, parce qu'il est féminin. Si tu me demandes c'est quoi l'i'rab, pourquoi les mansoub là, c'est un hel et c'est pas maintenant. Mais je te le dis quand même, ça s'appelle un hel. Vous voyez, ça s'appelle un hel. Et c'est quoi le hel? Ça viendra de Sharafi al-Jurumiya. En tout cas, sache qu'il vient comme ça en étant mansoub. Par exemple, comme tu dis. Toi, par exemple, pour dire pour décrire une situation lors de l'action lorsque tu as commis une action, dans quel état tu étais toi? Al-hal, c'est-à-dire situation, tu vois. Par exemple, tu dis Dahik, ça veut dire quelqu'un qui rigole. Toi, tu dis Jittu Dahikan, je suis venu en rigolant, par exemple, tu vois, ou le contraire. Baaki. Tu vois, Baaki c'est pleurer. Donc tu dis Jitu Baakiyan. Je suis venu en pleurant. T'as dit, c'est juste pour te donner un exemple. Ça, les samedis. Zahabat et Tabibatu el Yoma il Mustachfa Mubakiratan. Donc la médecin femme aujourd'hui a été à l'hôpital tôt. Ensuite, il te donne des exemples de par rapport à l'exercice qui va venir. D'autres mots qui aussi ont un lien avec le temps. Vous voyez ? Et qui sont mansoub. Il te dit quoi ? Kawin, jumalen, mustamilen, kalimat al-atiya. Il va te dire par exemple, da'iman. Da'iman, c'est tout le temps. Ahyanan, c'est de temps en temps. Mutakhiran, c'est en retard. Wa maratan ukhra, c'est une autre fois. Vous voyez ? Une autre fois. Donc toi, tu dois faire des quatre phrases et tu emploies ces mots-là. Da'iman, ahyanan, mutakhiran, wa maratan ukhra. Par exemple, je sais qu'il y avait un jouet pour les enfants, pour, sur les lettres. Et il te dit des fois, Enalba, tu vois, avec une voix. Et l'enfant s'y trompe et dit, Bah, Khata, how will you learn to khara? Recommence le truc. Et bien sûr, c'est une voix de femme encore. Voilà. Taïeb. Ma foum, Ada? Non. Taïeb, le kalimat est jadida. Donc là, il va reprendre les mêmes qu'on a pris. Da'iman. Taïeb, da'iman, c'est-à-dire tout le temps, toujours. Maktaboun. Maktaboun, c'est un bureau. Ardoun. Ardoun, c'est largeur. Centimètre. Centimètre. Sa'ala, c'est fi'l mardi qui veut dire faire. Sajada. Taïeb, sajada, ça c'est se prosterner. Fi'l mardi qui veut dire se prosterner. Sajada, il y a ce judo. Ahyanan, taïeb, on soube, c'est de temps en temps. Amil, el jamsi ummel, c'est les employés, travailleurs, ouvriers. Masafatun, c'est une distance. Mitrun, le jamsi amtar, c'est mètre. Taïeb, un mètre, une distance. Rakiba, yarkabu, c'est un fi'l madi qui veut dire embarquer, monter. Maratan ukhra, qui veut dire une autre fois. Mara, c'est une fois, et ukhra, c'est autre, au féminin. C'est féminin de akhar. Vous voyez, akhar. Maintenant, tu dis mara wahida, c'est une fois. Mara thaniya, une seconde fois, ainsi de suite. Toul, c'est longueur. Kilometrun, c'est kilomètre. Eljam, kilometrat. Souvent les gens disent kilo. Tu vois, ils ne disent pas kilomètre. Souvent tu entends ici, ils vont dire kilo. Mm. Ils vont dire 5 kilo, 50 kilo, 70 kilo. Amila, finalement, mardi, qui veut dire faire une chose, œuvrer. Ou raka'a, finalement, mardi, qui veut dire s'incliner. S'incliner. Vous voyez, donc aujourd'hui, Inch'Allah, on a pris le fil moudalir avec Houa. Vous voyez, avec Houa. Et on a vu qu'il était. On a pris aussi Al-Wazn, Al-Sarfi, Al-Mizan Al-Sarfi. On a pris quoi? Le patron, la mesure comparative dans le Sarf qui est Sa'ala. Et à partir d'elle, Inch'Allah, on pourra marcher et savoir toutes les autres choses qui viendront par la suite. Et on a su que le moudalir, il vient à la Wazn Yaf'alu. Ou Yaf'ilu. Et quand Yakoun, Yafoulou, mais ils l'ont pas mis dans le livre pour l'instant. Mafoumada ? Non. La décassouelle ? La question ? Taïeb. Fanakoul, alhamdoulilah, rabbil alamin.